بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم ما بعد فهذا مجلسنا الثاني حول رسالة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، الحث على المودة والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلاف. C'est notre deuxième assise autour de cette conférence du Cheikh Rabi Hafidhahu Allah Ta'ala et l'incitation à la fraternité et à l'union et l'avertissement contre la division et la divergence. يقول حفظه الله تعالى فوالله ما انتشرت الدعوة السلفية في هذا العصر القريب وفي غيره إلا على أيدي أناس علماء حكماء حلماء يتمثلون المنهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويطبقونه قدر الاستطاعة، فنفع الله بهم وانتشرت الدعوة السلفية في أقطار الدنيا بأخلاقهم وعلمهم وحكمتهم. زي حفظه الله تعالى par Allah, cette da'wa d'yel salaf ridwan Allah alayhim ne s'est propagée à notre siècle et auparavant que par l'intermédiaire d'hommes de science sages et endurants et patients doués d'un noble comportement qui mettent en application la voix du prophète alayhi salatu wasalam, qui la mettent en application selon leur capacité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il a fait triompher cette da'wa par leurs intermédiaires et que ces hommes étaient bénéfiques pour les gens. Et cette da'wa bénite min Allah azza wa jal a été propagée à travers le monde par le comportement et par leur science, par le comportement de ces hommes de science et par leur science et par leur sagesse. Hein? Et comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes que le fruit de la da'wa de Cheikh Mohamed Nawab, rahmatullahi alayh, de la da'wa de Cheikh Nasser, rahmatullahi alayh, et de la da'wa de Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayh, de la da'wa de Cheikh Ibn Baz, du Cheikh Mokbel, du Cheikh Ibn Badis, du Cheikh Taqiyuddin Hilali, ou du Cheikh Abdurrahman Mubarak Pour, rahmatullahi alayh. Ah, de cette jeunesse maintenant, qui revient vers le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, et puis l'effort de ces hommes de science, qui ont fait revivre cette voie du puiseur d'Allah alayhim, qui est le retour vers le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, avec la compréhension et la voie de et selon la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim. Wa yaqulu al-shaykh wa fi hadhihi al-ayyam nara anna ad-da'wah as-salafiyyah tataraja' wa tataqallas wa ma dhalika illa annaha faqidat hikmat ha'ula bal hikmat ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qabla kulli shay' وحلمه ورحمته وأخلاقه ورفقه ولينه عليه الصلاة والسلام. Il dit حفظه الله تعالى et de nos jours, nous voyons que la da'wa salafia commence à reculer et à se replier sur elle-même. Et ceci à cause de quoi? Parce qu'il a perdu la sagesse de ses hommes de science. Et parce qu'il a perdu la sagesse du prophète عليه الصلاة والسلام avant toute autre chose. L'endurance et la noblesse du comportement et la douceur du prophète alayhi salam a été perdue dans cette da'wah. Hein? Et vous le voyez en face de vous. Hein? Combien de nos frères sont devenus des obstacles pour cette voie de ne plus être d'Allah alayhi, à cause de leur mauvais comportement. Combien? Hein? Et ce mauvais comportement dans la voie de ne plus avoir dans l'âme, dis-toi bien, frère en Allah, nous allons rendre compte à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et combien de fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, Cheikh Nasser, il disait à cette jeunesse, n'alourdissez pas cette voie avec votre mauvais comportement, car il est dit dans le Coran, « Sanulqi alayka qawlan taqila » Nous allons jeter sur toi une parole lourde. Il disait, rahmatullah alayh, n'alourdissez pas la vérité avec votre mauvais comportement. Et il est temps, frère en Allah, Azza wa Jal, de revenir et de se poser des questions et de s'auto-observer et de regarder où est-ce que nous voulons aller. La da'wa de nos puiseurs d'Allah alayhim est une da'wa basée sur le comportement, basée sur la science, sur la sagesse, et le comportement est une da'wa. Le fait d'avoir un noble comportement et d'être doué d'un noble comportement, c'est une da'wa en soi. Les puiseurs d'Allah alayhim ont conquis les cœurs des gens avant de connaître leur langue, en Asie et ailleurs, tout simplement par leur comportement. Les premiers compagnons qui ont foulé la terre de l'Asie ne savaient pas parler les langues de ces pays. mais ils avaient la clé des cœurs, par le comportement, que beaucoup ont perdu maintenant. Nous devons remédier à ça, parce que le mauvais comportement ne fait pas partie de la sunna de notre prophète, alayhi salam. Et comme il est dit dans le hadith, ceux qui veulent être auprès du prophète, alayhi salam, et proches du prophète, alayhi salam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui seront proches de moi, seront ceux qui sont doués d'un noble caractère et d'un noble comportement. Voilà. Avec notre mauvais comportement, on devient un obstacle sur le chemin du puiseur d'Allah. Allah. Et nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est temps de se ressaisir. Yaqul al-shaykh, wa laqad shatamat Aishatu yahudiyan. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. هذا الحديث يقول الشيخ إذا ذكره اليوم عالم يوجه الشباب إلى المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله فيقولون هذا تمييع. مع أن هذا الحديث خرج من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو توجيه للأمة أجمعها. عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها. عائشة que الله سبحانه وتعالى comble le c'est bien fait et que الله سبحانه وتعالى l'agré ainsi que son père, qu'on déplaise à ceux qui l'insultent et qui insultent son père. Un jour a insulté un juif. Rasoul صلى الله عليه وسلم lui a dit, le hadith rapporté par l'imam muslim, Ya Aisha. Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur dans toutes choses. Pourtant, il a insulté un juif. Rasoul صلى الله عليه وسلم lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime la douceur dans toutes choses. Ce hadith, dit Cheikh Hafidhahullah ta'ala, compte maintenant un homme de science, oriente les jeunes avec ce hadith, on dit de lui qu'il est moumayyé, qu'il veut être avec tout le monde, qu'ils vont envoyer les jeunes avec tout le monde. Subhanallah. Ce hadith est un enseignement du prophète, alayhi salatu salam. Ce hadith sort, il est sorti de la bouche du prophète, alayhi salatu salam. Il a été donné à Aïcha, ce conseil, et cette orientation à Aïcha, la mère des croyants. Et ce conseil, il est pour toute la communauté jusqu'à la fin des temps. Et pourtant cela, quand un homme de science oriente la jeunesse, vers le fait d'être doux, c'est un moumayya. A'oudou billah. Fadi l'akhlaq al-karima. Iza dhukirat, wa dhukira biha, kal hikmati, wal rifqi, wal lin, wal hilm, wal safh, lati hiya min daruriyati d'awati ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min al-awamil lati tajdibu al-nas ila d'awati al-sahiha, fa inna natija an yadkhul al-nas fi dinillahi afwaja. Ces comportements, ces nobles comportements, quand on déchire, quand on les évoque, quand on les rappelle, comme la sagesse, comme la douceur, comme le fait de pardonner, sont des obligations sur le champ de la da'wah. La da'wah, on a besoin. Ça fait partie des obligations de la da'wah. Da'wah vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait dedans la sagesse, le fait de savoir pardonner, le bon comportement, la douceur et le doigté dans tout. Et de dire, utiliser les expressions adéquates. Et d'utiliser les expressions qui correspondent à chaque personne. C'est le savoir-faire, dit le da'wah. Et cela, en agissant ainsi, ce sont les moyens pour attirer les cœurs des gens vers cette noble voie, qui est la voie de ne plus être d'Allah aller. Et pour que les gens puissent adhérer, rentrer dans cette voie et dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par groupe. Il est obligatoire pour nous de se poser des questions en Allah, de se poser des questions, frères, en Allah, sur notre comportement. Tout un chacun de nous. La yughayiru Allahu ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim. Rien ne peut changer pour des peuples s'ils ne changent pas eux-mêmes. Chacun de nous doit se poser des questions. Est-ce qu'il est faste ou néfaste pour Dawa? Est-ce qu'il est digne du comportement de son prophète alayhi salatu salam, ou là il est aux antipodes par rapport au comportement du prophète alayhi salatu salam? Ceci est très important dans tout ce que nous faisons, frères, en Allah azza wa jalla. nous disons vouloir être dans la voie de ne plus être d'Allah Alim, cette voie de ne plus être d'Allah Alim nous demande des sacrifices et des efforts et d'écraser notre nefs et d'éduquer cette nefs et de purifier nos cœurs pour être digne de la voix de notre prophète alayhi salatu wasalam et pour être digne de la voix de nos puiseurs d'Allah alayhi. يقول الشيخ حفظه الله وإن هؤلاء المبدلين يستخدمون التنفير رغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين ويقول صلى الله عليه وآله وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. Il dit, ceux qui ont changé la voix du prophète alayhi salatu wasalam, utilisent un langage qui fait fuir les gens. Alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie du jour, il y a des gens parmi vous qui font fuir. Et il a dit, alayhi salatu wasalam, rendez la situation facile et ne rendez pas la situation difficile. Et annoncez aux gens et ne les faites pas fuir. Annoncez-leur les bonnes nouvelles et ne les faites pas fuir. Ne les faites pas fuir comment? Par le mauvais comportement. فيقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى فيا أيها الإخوة هؤلاء لا يدركون وإلا فوالله يلزمهم أن يصموا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مميع والصحابة وعلماء الأمة بأنهم مميعون. Il dit, frère en Allah, ceux-là qui, quand on leur parle de la sagesse, disent des hommes de science qu'ils sont moumayyirin, cela implique qu'ils doivent traiter Rasoul sallallahu alayhi wa sallam comme quoi il est moumayyir. Et que les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam sont moumayyirin aussi, et que les hommes de science et les imams de cette communauté qui ont pressé la voix du prophète alayhi wa sallam, la voix de la sagesse et du noble comportement et de la science, ils doivent les traiter d'être moumayyir. ويلزمهم يقول الشيخ على هذا التشدد على هذا التشدد العنيف المهلك الذي أهلك الدعوة السلفية يلزم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي يدعو إلى الرفق والحكمة واللين أن يكون مميعا كذلك نستغفر الله عز وجل. Cela implique, selon cette dureté dans laquelle ils sont cela, et cette sévérité dans laquelle ils sont, qui a fait du mal à la da'wah des puiseurs d'Allah alim, cela implique pour eux que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui-même, qui appelait avec sagesse et avec doigté, et qui utilisait le langage adéquat à toutes les situations, et qui était doux, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam soit moumayya. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Wallahi yaqulu al-shaykh, la yuriduna hada, wa la yaqsuduna, wa lakin la yudrikoun. فعليهم من الآن أن يدركوا ماذا يترتب على هذه الأحكام. الشيخ de faire le sermon dit par Allah, ils ne veulent pas ça. Ils ne veulent pas traiter le prophète alayhi salatu wasalam ni les plus aïeux comme quoi ils sont meilleurs. Mais ils ne savent pas. Il dit qu'il leur appartient à partir de maintenant qu'ils se rappellent et qu'ils sachent les sentences et les lois et les jugements qui ont découlent de ce comportement. Et de fait, que quand on leur rappelle qu'il faut être sage, endurant, et qu'il faut savoir pardonner, etc., que ça, ce n'est pas ta meilleure, que c'est la voie du prophète, alayhi sallatu wassalam. Yaqul, hafidhahullah, wa innana nahnu wallahi, nujahid, wa nunadir, wa naktub, wa nansah, wa nad'u birifqin ilallahi ta'ala, faya'tabirunana min al-mumayyi'in. لا يريدون أن نقول حكمة ولين ورفق. Il dit, et nous, par Allah, nous combattons sur le sentier d'Allah, nous débattons, nous écrivons, nous conseillons, nous appelons, nous prêchons avec douceur, sagesse. Nous appelons vers Allah subhanahu wa ta'ala avec douceur et sagesse. Ils nous considèrent comme des moumayyirin, c'est-à-dire des gens qui veulent être avec tout le monde. Ma'a. Moumayya, à être avec tout le monde, avec tous les courants. Ils ne veulent pas qu'on parle de sagesse, ils ne veulent pas qu'on parle de doigté et de douceur. Yaqulu, hafidhahullah, وقد رأينا أن الشدة أهلكت الدعوة السلفية ومزقت أهلها، فماذا نصنع؟ فقلت يا إخوة، لما نرى النيران تشتعل، أنتركها تزيد اشتعالا أم نأتي بهذه الأمور التي ستطفئ تلكم الحرائق؟ Et Cheikh de nous dire, Hafidhahullah Ta'ala, nous avons vu que cette sévérité, cette dureté fait du mal à la da'wah des puiseurs d'Allah alayhim, et qu'il a divisé les gens de cette da'wah. Qu'est-ce que nous devons faire alors? Que devons-nous faire? Et il dit, Hafidhahullah, je me suis dit, oh frère en Allah, quand j'ai vu le feu consumer et s'allumer, est-ce que je le laisse ainsi? Continuer à se consumer ainsi, hein? Ou alors ramener des choses qui vont éteindre ce feu. يقول الشيخ فأنا اضطررت وهذا واجبي وأنا أقولها من قبل اليوم لكن ركزت عليها لما رأيت هذا الدمار ورأيت هذا البلاء أقول عليكم بالرفق عليكم باللين عليكم بالتآخي عليكم بالتراحم فإن هذه الشدة توجهت إلى أهل السنة أنفسهم إذ قد تركوا أهل البدع واتجهوا إلى أهل السنة بهذه الشدة المهلكة وتخلى لهم ظلم وأحكام باطلة ظالمة. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, je me suis senti dans l'obligation, et ça c'est mon devoir, de le dire avant aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appuyé tous mes efforts quand j'ai vu cette destruction et j'ai vu cette épreuve énorme. J'ai dit, soyez doux, soyez sages, hein? Fraternisez-vous, créez la fraternité entre vous, cramponnez-vous, propagez la clémence entre vous, car cette sévérité et cette dureté s'est orienté directement vers les gens de la Sunna eux-mêmes. Ils ont laissé de côté les gens de l'innovation. Ils se sont orientés vers les gens de la Sunna avec cette sévérité qui tue et qui fait périr. Et cette sévérité dans laquelle il y a l'injustice, le faux et le blâmable. يقول الشيخ فإياكم ثم إياكم أن تسلكوا هذا المسلك الذي يهلككم ويهلك الدعوة السلفية ويهلك أهلها. Et Cheikh de nous dire, faites très attention. Faites très attention. Ne prenez pas ce chemin qui va vous faire périr. Et faire périr la da'wah des puiseurs d'Allah alayhim. Et faire périr les gens de cette da'wah. يقول الشيخ, ادعو إلى الله. ادعو إلى الله تعالى بكل ما تستطيع. بالحجة والبرهان في كل مكان قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستعين على ذلك بعد الله عز وجل بكلام أئمة الهدى الذين يسلموا بإمامتهم ومنزلتهم في الإسلام أهل السنة وأهل البدع جميعا دي ها appelez vers Allah عز وجل. Et rappelez-vous que cette conférence a été adressée dans une assemblée d'étudiants à l'université, dans la salle de conférence à l'université de Médine. Et il dit, appelez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'empêche qu'il y a des leçons pour nous aussi dedans. C'est une grande conférence sur éducative et sur la voie aussi. Et il dit, Hafidhahullah Ta'ala, appelez vers Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce que vous pouvez, avec les moyens, avec les preuves claires en tout lieu. Appelez vers Allah avec Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et faites-vous aider avec la parole des imams guidés qui sont considérés par les gens de la sunna et par les gens de l'innovation partout. Hein? Ça fait partie de la sagesse d'utiliser, de prendre des hommes de science qui sont considérés par des hommes de science dignes du nom, qui sont sur la voie du plus élevé, que tout le monde respecte. Et ça, c'est une sagesse. Donc, da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Trouve par exemple au Maroc, ou là en Algérie, ou là-là. Faites tu ramènes les paroles du petit imam Malik qui a visé le Qarawani, Issa Akhida. Ramène le Muwatta de l'imam Malik, les paroles de l'imam Malik. Ramène les paroles de l'Sahnouni, ainsi de suite. Hein? Tu parles aux gens avec ce qu'ils connaissent. Hein? Parle-le le langage de Ibn Badis. Parle-le le langage de Cheikh Taqi Dil Hilali, et ainsi de suite. Hein? فيقول الشيخ أنا أوصي الإخوان الذين يذهبون إلى إفريقيا أو إلى تركيا أو إلى الهند أو غيرها بقول قال الله قال رسول الله قال فلان من الأئمة الذين يحترمونه il dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Moi, je conseille aux frères qui vont en Afrique, qui vont en Turquie, qui vont en Inde ou autres pays, qu'ils disent Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il cite des paroles de tels savants qui est respecté par les gens là-bas. Et qui est considéré par les gens là-bas. Et partout sur la planète, n'est crainte, il y a des hommes de science dignes du nom, qui étaient sur la voie du puiseur de l'un, qui sont respectés dans chaque pays, il n'y a pas de problème. T'as pas. T'as un aïeul sur lequel tu peux prendre sa parole, en fermant les yeux, il a propagé entre les gens. Hein? Parce qu'ils le connaissent. Et la sagesse veut de nous ainsi, de parler aux gens avec les choses qu'ils connaissent, pour qu'ils prennent comme véridique ce que nous leur, hein, ce que nous leur présentons. يقول حفظه الله فإذا ذهبت إلى إفريقيا مثلا قلت قال ابن عبد البر قال مالك قال فلان مع أن عددا ليس قليلا من الناس هناك هم أهل عقائد فاسدة فإذا أتيتهم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بكلام العلماء يسمعون كلامك وينقادون لك Il dit par exemple, quand tu vas en Afrique, dit, Ibn Abd al-Barr a dit, il est connu à travers l'interprétation, la meilleure des interprétations, et c'est une référence parmi les grandes références, c'est Timéid d'Ibn Abd al-Barr sur le Muwatta d'Imam Malik, en plusieurs tomes. Donc il est connu. Quand tu dis, Qala Ibn Abd al-Barr, les oreilles s'ouvrent, les yeux s'orientent vers toi. En Afrique en général. Et quand tu vas en Afrique, tu dis Qala ibn Abd al-Barr, Qala l'imam Malik. Et il dit, alors que beaucoup parmi les gens de ces pays ont des croyances qui sont fausses. Mais si tu leur ramènes le livre d'Allah, et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et après tu leur ramènes les paroles d'hommes de science, qu'ils connaissent bien sûr, ils vont écouter tes paroles. Ils vont suivre. يقول الشيخ هذه حكمة لكن إذا أتيتهم بكلام من عندك فحسب لن يقبل منك أحد لن يقبل منك أحد il dit ça c'est une sagesse mais si tu leur ramènes des paroles de ta pensée à toi personne ne va accepter de toi فلا بد أن تستأنس بعد كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام العلماء الذين لهم منزلة في نفوس الناس ولهم مكانة في نفوس الناس ولا يستطيعون الطعن فيهم ولا في كلامهم فإذا قلت قال البخاري فإنهم يحترمونه il dit il faut que tu prennes de la compagnie après la parole d'Allah Azza wa Jal et après la parole du messager alayhi salatu wassalam tu prends une compagnie dans la parole des hommes de science qui ont une considération, c'est les gens dans, au milieu duquel tu te trouves. Et qui ont une place, qui occupent une place dans cette population dans laquelle tu es. Et ils ne peuvent pas les critiquer. Ils ne peuvent pas rejeter leurs paroles parce qu'ils sont considérés pour eux. Quand tu dis, l'imam al-Bukhari a dit, tout le monde accepte. Au sud, au nord, à l'est et à l'ouest. Fais maintenant. الصوفية في كل مكان يحترمون البخاري ويحترمون مسلم ويحترمون هذين الكتابين والإمامين ويحترمون أحمد بن حنبل ويحترمون الأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من من أهل العلم الأكابر المتقدمين. Il dit par exemple, prends les soufis, partout où ils soient, dans n'importe quel lieu où il soit. Il respecte le Bukhari, il respecte l'imam muslim, il respecte ces deux grands imams, comme il respecte l'imam Ahmed, comme il respecte l'imam Awza'i, comme il respecte Soufiane Thawri et d'autres parmi les hommes de science, parmi les grands imams de science, parmi les anciens. Lida, فإن هناك روابط بيننا وبينهم بالحق أماكن التقاء فلننفذ إليهم من هذه المنافذ. Il dit c'est pour ça que nous avons certains points qui nous lient, dans lesquels, sur lesquels on se rencontre, des points d'intercession entre nous et ces sophies. Il dit il faut qu'on atteigne ces sophies par ces points d'intercession que nous avons en commun. Le fait qu'il respecte l'imam Bukhari, qu'il respecte l'imam Muslim, qu'il respecte l'imam Malik, il faut qu'on parte vers eux et vers leur cœur et vers le fait de les orienter, on part de là. On part de ces points qu'on a en commun, ce point de rencontre. يقول وهذا من الحكمة يا إخوان فلا ينبغي بناء على ذلك أن تقول لهم ابتداء قال ابن تيمية الصوفي إذا سمع ابن تيمية خرجت أذناه مع أنه إمام من أكبر الأئمة لأن الجهلة لا يعرفونه وإن عرفوه فقد بغض إليهم مما سمعوه من كبرائهم فهم لا يبغونه ولا يريدونه بارك الله فيكم. Il dit, ça fait partie de la sagesse. Et frère en Allah, hein, partons de là, il ne faut pas que tu leur dises, tu te rencontres dans un milieu de Sophie, tu leur dis, Ibn Taymiyyah a dit, ils le détestent. Parce qu'ils ne le connaissent pas, on leur a fait détester Ibn Taymiyyah, leurs grands, les grands machaïrs d'Al Sophia ont fait détester aux gens Ibn Taymiyyah, alors que c'est une montagne de science. Dès qu'ils l'entendent, leurs cheveux roubiquent. Hein? Donc tu ne leur parles pas avec les paroles d'Ibn Taymiyyah. Qal Imam Malik, tu leur ramènes les hommes qui reconnaissent et qui respectent. Parce que Ibn Taymiyyah, leur grand, ils lui ont fait une image du diable. Ils lui ont donné une image. Tu prends certains groupes comme l'Ahbab, ils le rendent mécréant, gars. Ils l'ont rendu mécréant. Hein? C'est pour ça. Et là, ce point sur lequel, Cheikh Rabi Hafidallah attire l'intention et quelque chose de très important. قال قال ابن تيمية في أوساط السلفيين الذين يحترمونه لكن ما تقول في أوساط أخرى قال ابن تيمية قال ابن عبد الوهاب مثلا لأن الجاهل الذي تربى في أوساط المبتدعة ينفر من ذلك فأشياخهم منفرون لهم قل لهم أسماء الأئمة الذين يقدرونهم ويحترمونهم لأن سادتهم وشيوخهم شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا علماء الدعوة وإمة الدعوة كما قلنا آنفا. Tu dis قال ابن تيمية dans un milieu de salafi, dans un milieu de gens de la sunna qui prennent le livre d'Allah et l'authentique de la sunna selon la voie du plusieurs d'Allah alayhim, parce qu'ils le respectent, parce qu'ils savent qui il est, ils connaissent la réalité de ابن تيمية. Il ne prononce pas son nom et ses paroles dans un autre milieu. Ibn Taymiyyah a dit, Mohamed ibn Abdul Wahhab a dit, ne le dis pas dans un milieu qui n'est pas un milieu de la sunna. Et un milieu qui ne reconnaît pas la valeur de ces hommes de science. Car les ignorants ont été éduqués dans les jurons d'Yal, les innovateurs. Et ces innovateurs leur ont fait détester ces grands imams de la science. Hein? Et leur mashayikh, hein, leur ont fait détester les grands imams de cette communauté, tel Ibn Taymiyyah, tel Mohamed ibn Abdul Wahhab et autres. Hein? Et ils ont défiguré l'image de ces grands imams et d'autres grands imams de cette communauté. Et ils ont défiguré beaucoup d'images parmi les personnalités de la da'wa de nos puissants d'Allah alayhim. فَلَا تَأْتِيهِمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْحِكْمَةِ. Ne va pas vers eux de cette porte-là parce que ça ne fait pas partie de la sagesse. La porte est fermée à l'avance. La porte est fermée à l'avance. C'est toi qui la fermes. Déjà. لَكِنْ تَأْتِيهِمْ مِنْ بَابِ قال مالك، قال سفيان الثوري، قال الأوزاعي، قال ابن عيينة، قال البخاري، قال مسلم في الجزء الفلاني في الصفحة الفلانية، فمثل هذا سيقبل منك. ثم إذا قبلوا منك احترموا بعد ذلك ابن تيمية وعرفوا أنه على الحق، واحترموا ابن عبد الوهاب وعرفوا أنه على الحق، بارك الله فيكم. وهكذا الشيخ دو نودير ne vient pas vers eux de cette porte là mais vient de l'autre porte des imams qui respectent. الإمام مالك أدي، سفيان الثوري أدي، الإمام البخاري أدي، الأوزاعي أدي، ابن عيينة أدي، مسلم أدي، à telle page, dans tel tome, à telle page. N'agissons ainsi, ils vont accepter de toi. Et quand ils vont accepter de toi, après, avec le temps, ça va être facile qu'ils respectent Ibn Taymiyyah et qu'ils respectent Mohammed ibn Abdelwahab par la suite. Ils vont connaître, quand ils verront, quand ils connaîtront la réalité et la vérité, ils vont respecter après tous les imams qui ont été défigurés dans leur esprit par leur jour. Ils vont savoir que ces grands imams étaient dans la vérité. Et il y a des histoires qui sont arrivées à certains demandeurs de science qui faisaient le commerce entre l'Inde et l'Arabie Saoudite. Ils priaient dans une mosquée et ils s'assiaient à l'assise d'un cheikh qui était un homme du hadith. Et à la fin de chaque assise, cet homme du hadith insultait, il faisait des du'as contre Mohammed ibn Abdelwahab. Il y a le demandeur de science qui faisait le commerce entre l'Inde et l'Arabie Saoudite. Ça le tenait au cœur. Et un jour, il était dans un magasin. Et quand il a vu, il se cheikh passait tout le temps devant son magasin. Quand l'heure de ce cheikh allait passer par là, et il aimait bien parler avec les Arabes pour... Pourquoi ? Pour exercer son arabe. Ce demandeur de science, il a arraché la couverture du livre Tawhid d'Yel Mohammed ibn Abdelwahab. Là où il y a le nom, il l'a arraché. Et il a laissé juste le livre. Kitab al-Tawhid wa bab qawlullah ta'ala kada kada. Chapitre, le livre du Tawhid et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala kada wa kada. Il l'a laissé bien en avant. Quand cet homme de science est arrivé, il a fait salam, etc. Il a eu une idée, il lui a dit, attends-moi, je vais aller chercher un melon pour nous rafraîchir. Il est allé, il a pris du temps pour ramener le melon. Et bien sûr, l'homme de science est là, le livre il est devant, il l'a mis en apparence, il l'a pris. Il a commencé à le feuilleter. Et il a commencé à y aller dedans. Et quand le demandeur de science est arrivé, l'homme de science lui a dit, c'est à qui ce livre? On dirait l'imam al-Bukhari. Il n'a pas voulu pour que cet homme de science se rende compte. Il a dit, on va aller voir, je ne sais pas, on va aller voir dans les librairies. Ils sont allés aux librairies, et ils ont pris, il a pris Kitab Tawhid qui se vendait. Et l'homme de science, il a vu. Kitab Tawhid, même Mohammed ibn Abdelwahab. Et son visage a changé. Il s'est tourné vers le demandeur des yeux. Il dit, par Allah, c'est Hada sur lequel je fais dua et je dis, c'est celui qui a écrit ce livre. Wallah, on a été injuste avec. Wallah, on a été injuste avec. Et pourquoi il faisait dua contre lui? Parce qu'on lui a fait une mauvaise image sur Mohammed ibn Abdelwahab, rahmatullah alayh. On a défiguré la da'wa de Mohammed ibn Abdelwahab. On a défiguré son image. Et depuis, ce demandeur de science, il dit, depuis ce jour-là, à chaque fin du cours, quand il termine, il faisait dua à Mohammed ibn Abdelwahab. Auparavant, il faisait un dua contre lui. Et maintenant, il fait dua pour lui. C'est l'ignorance. Parce que c'est des gens, on a diabolisé l'image de certains nombres de sciences à leurs yeux. يقول الشيخ أقول هذا نوع من التنبيه إلى سلوك طريق الحكمة في دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى ومنها أن لا تسب جماعتهم أنت بينهم لا تسب جماعتهم لقوله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم يلدي حفظه الله تعالى ça c'est une façon d'attirer l'attention sur la voie à prendre dans la hikmah dont da'wah ilallah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, fait partie de la hikmah si que devant eux tu n'insultes pas leur groupe. Car il cite un verset où il dit, n'insultez pas ceux qui invoquent et qui demandent à autre qu'Allah Azza wa Jal, ainsi, si vous agissez ainsi, ils vont insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Ne les insultez pas. Ils vont aller à quoi? Quelque chose d'énorme. C'est qu'ils vont insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Injustement. Ils sont science. يقول الشيخ حفظه الله أنا أقول لما ذهبت إلى السودان نزلت في بور سودان فاستقبلني شباب أنصار السنة وقالوا يا شيخ نلفت نظرك إلى شيء قلت تفضلوا. Il dit حفظه الله تعالى pour nous raconter une expérience, la première expérience qu'il a eue au Soudan, en Afrique. C'est ce voyage-là où il est parti, lui, Cheikh Mohamed Aman Jami et d'autres, pour Dawa ilallah, subhanahu wa ta'ala, en Afrique noire. Il dit, quand je suis parti au Soudan, je suis descendu à Bour Soudan, et les jeunes de l'association Ansar Sunna m'ont dit, ah, Cheikh, on attire ton attention sur quelque chose. Il leur a dit, allez-y. Qalou, takallam bima shi'ta, qul qala Allah. قال رسول الله واطعن بما شئت من البدع والضلالات من دعاء غير الله والذبح والنذر والاستغاثة وهكذا لكن لا تقل الطائفة الفلانية ولا الشيخ الفلاني لا تنص على التلجانية من الفرق ولا المرغانية ولا رؤوسهم ولكن اسرد العقائد وستجد نفسك قد قبل منك الحق. وقاضي cette clairvoyance avec laquelle الله سبحانه وتعالى il a doué ces jeunes salafis qui faisait déjà de da'wah sur le terrain et qui connaissait le terrain. Ils ont attiré l'attention du cheikh sur un point. Ils lui ont dit, parle, dis ce que tu veux. Dis Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et critique ce que tu veux, et dénigre ce que tu veux comme innovation et comme inagarement, et attire l'attention sur le fait d'invoquer, de demander à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et sur le fait d'égorger à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi de suite. Et le fait de chercher secours auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne dis pas telle secte, tel cheikh, ne parle pas du Tijaniya, ne parle pas de l'Marghaniya, et ne parle pas de leur tête. Mais vas-y, cite les croyances. Et tu vas voir que les gens ils vont accepter de toi. قلت له طيب فسلكت هذا المسلك فوجدت إقبالا عظيما من الناس. الشيخ ربيع حفظه الله il a accepté de ces jeunes, il a dit d'accord, il a accepté d'eux, il a mis en application ce qu'ils lui ont dit. Et il a dit après, il y a une grande acceptation parmi les gens. Les gens ont accepté cette da'wah. يقول الشيخ ولا تظن يا طالب العلم أن من تمام المنهج الحق أنه لا بد أن تسب شيوخهم وتطعن فيهم فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير العلم تسب الشيخ أو تقول ضال أو كذا أو الطريقة الفلانية أو تقول ضال أو كذا أو الطريقة الفلانية فإنهم عندها ينفرون منك فتأثم وتكون قد نفرت الناس وإنكم إذا منفرون. Il dit حفظه الله تعالى ne crois pas toi le demandeur de science qu'il fait partie du منهج de la vérité, qu'il est obligatoire d'insulter leur chouïr, le chouïr de l'égarement, et de les critiquer. Car il est dit dans le verset, hein, « N'insultez pas ceux qui demandent à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont insulter Allah subhanahu wa ta'ala injustement. Ils sont science en dépassant leurs limites. Tu insultes le cheikh, tu dis « Cheikh il est dal, cheikh il est égaré », tu dis « telle secte, etc. » Dans ces cas-là, ils vont se sauver de toi. Et tu vas tomber dans un péché. Et tu vas faire éloigner les gens. Et tu tomberas dans le hadith où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie de vous, des gens qui font éloigner les gens. Qui font éloigner. Munafiroun. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشرا ولا تنفرا. يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. الرسول صلى الله عليه وسلم كنت إلى أنفوي معاذ بن جبل يا أبو موسى الأشعري ويمن il leur a dit rendez les situations faciles, ne les rendez pas difficiles, et annoncez, donnez les bonnes nouvelles aux gens, ne les faites pas éloigner. Bien sûr, la facilité, elle est dans la législation, pas en sortant de la législation. Hein? Une autre prophète, alayhi salatu wassalam, chaque fois qu'il se trouvait dans des situations, il a toujours pris la situation la plus facile. فهذه من الطرق التي فيها التيسير وفيها التبشير وما فيها تنفير. يقول الشيخ ووالله ما دخلت مسجدا إلا وأرى التهلل في وجوههم ولا أستطيع الخروج من كثرة المقبلين علي يصافحونني ويدعونني. Il dit ça, ça fait partie, c'est-à-dire cette voie vers laquelle l'a orienté ce jeune, il dit ça fait partie de la voie de la facilité de l'aisance et la voie d'annoncer, de ramener les bonnes nouvelles aux gens. Une voie qui ne fait pas pousser les gens et qui ne fait pas éloigner les gens. Il dit, par Allah, chaque fois que je suis rentré dans une mosquée, les visages étaient illuminés. Et je ne pouvais pas sortir. Tout le monde a couru vers moi pour me saluer, pour m'inviter. يقول ثم رأت رؤوس الصوفية الشياطين خطورة هذا السلوك وهذا المنهج في الدعوة فاجتمعوا وتآمروا ونسقوا لأنفسهم كلاما يردون به علي وأعلنوا علي لي عن محاضرة في ميدان كبير. Il dit, et la tête du soufisme, ont vu le danger, les grands, ceux qui sont à la tête de l'égarement ont vu le danger de cette voie et de cette sagesse dans la voie, ils se sont réunis, ils ont comploté, ils se sont mis d'accord sur une stratégie pour répliquer à Cheikh. Et ils ont annoncé une conférence dans un grand lieu. يقول الشيخ فاجتمعنا في هذا الميدان وتكلمت فقام كبيرهم وعلق على كلامي وبدأ يجيز الاستغاثة ويجيز التوسل ويقول بتعطيل الصفات ويقول ويقول ويؤيد كل الأباطيل بتأويلات فاسدة. Et dit, nous sommes réunis dans un grand terrain. Comme si une grande place, etc. Il dit, j'ai parlé. Et après, quand j'ai terminé de parler, leur grand s'est levé. Il a commencé à commenter mes paroles et a commencé à autoriser le fait de chercher au secours auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah. Et auprès de prendre comme intermédiaire le prophète ou les morts. Et il a commencé à mettre de côté les attributs, à dépouiller les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à dire. Et toute sinuité, tout ce faux, il ramène des interprétations fausses. Il cherche. Tant qu'il débitait ses énormités, il n'a pas parlé. فلما فرغ وما عنده من أدلة وقد أتى بأحاديث ضعيفة وموضوعة وجاء بأقوال الأسقراطيين سقراط هذا السقراطيين هذا الفلاسفة وقلت يا جماعة سمعتم كلامي وأنا أقول قال الله قال الرسول قال علماء الأمة المعتبرون وهذا الرجل جاء بأحاديث ضعيفة أحاديث موضوعة وما أسعفه القرآن بشيء هل سمعتم قال الله كذا في جواز الاستغاثة بغير الله وفي إجازة التوسل هل سمعتم كلام الأئمة الكبار مثل مالك وأمثاله. Et il dit, Havidallahu Ta'ala, quand il a terminé, quand leur grand a terminé de débiter ce qu'il a dit, il n'a ramené, ce grand n'a ramené aucune preuve. Il a ramené des paroles faibles, des hadiths inventés. Il a ramené les paroles des Socrates, des philosophes. Et quand il a terminé, Cheikh s'est levé et leur a dit, au groupe, est-ce que vous avez entendu mes paroles? Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit, Allah a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai cité les paroles des hommes de science de cette communauté. Et cet homme, vous avez entendu ce qu'il a dit. la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas suffi. Est-ce que vous avez entendu dans ces paroles, Allah a dit, hein? Est-ce que vous avez entendu dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis de chercher secours auprès de quelqu'un d'autre qu'Allah? Et dans le fait de chercher, de faire tawassul, c'est-à-dire prendre à mort comme intermédiaire, hein? Quelqu'un de mort, comme intermédiaire au Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans sa tombe, de le prendre comme intermédiaire dans ses du'as, etc. Est-ce que vous avez entendu les paroles des grands imams dans tout ça, tels l'imam Malik et autres? Ma sami'tum, innama sami'tum ahadith mawdu'a, wa ahadith da'ifa, wa kalaman li unasin ma'roufin indakum, annahum khurafiyoun. Il dit, vous n'avez rien entendu de tout ça. Mais vous avez entendu des hadiths inventés, des hadiths faibles, et des paroles d'hommes qui sont connus chez vous, hein, vivant sur les histoires à dormir de vous. Khurafiyoun. فقام الخرافي يسب ويشتم وانا اضحك لا سببته ولا شتمته وكنت لا ازيد على قولي بارك الله فيك جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا بارك الله فيك. Et cette grande tête de l'égarement s'est levée. Il a commencé à insulter Cheikh Rabih. Il a envoyé des insultes. Et Cheikh Rabih n'a pas bougé, n'a rien dit. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Il n'a rien rajouté. وافترقنا يقول الشيخ وافترقنا فوالله الذي لا إله إلا هو أصبحوا في اليوم الثاني يتحدثون في المساجد والأسواق أن الصوفية هزمت فهكذا يفعل الحق الدليل والبرهان عندما يقدم للناس بالحكمة وبالأسلوب الحسن تصل إلى هذه المرتبة يقول الشيخ إن نسون سيباري بار الله. Et il dit par Allah, qui est le seul digne d'être adoré le lendemain matin, les gens parlaient dans les mosquées et dans les marchés, ils disaient, Sophia a été vaincue. Ainsi l'apparence de la vérité. Quand la vérité est basée sur les preuves, la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallam, est présentée avec hikmah et avec sagesse et avec endurance, ben il vainque. C'est elle qui prend le dessus sur tout. Hein? Il dit dans le hadith que restera toujours une fraction de ma communauté qui sera apparente. Apparente avec quoi? Les preuves qui le font apparaître. Malgré qu'ils sont peu nombreux, mais qu'est-ce qui fait leur force et qui les fait apparaître? Sinon les preuves. Allah a dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein? Sahaba ont dit, les grands imams, etc. Fata'allamu, yaqul al-shaykh, fata'allamu ya ikhwan. هذه الأساليب الشرعية الصحيحة فالقصد هداية الناس والقصد إيصال الحق إلى قلوب الناس. الشيخ de nous dire, hein, apprenez ces moyens légiférés authentiques, car le but c'est guider les gens, car le but c'est d'amener la vérité dans le cœur des gens. هذا c'est le but, ce n'est pas de faire fuir les gens. يقول الشيخ أيها الأخ عليك أن تستخدم في سبيل الدعوة إلى الله كل ما تستطيع من وسيلة شرعية وليس عندنا أن الغاية تسوغ الوسيلة فإنها من صفات أهل البدع التي وقعوا بسببها في الكذب واللف والدوران والمناورات كما قال علي بن حرب الموصلي كما قال الإمام علي بن حرب الموصلي كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. Et il dit, ô frère, utilise dans le chemin de la da'wa il Allah tout ce que tu peux utiliser comme moyen légiféré. Il dit, ça n'existe pas chez nous. Hein? La fin justifie les moyens. Il dit, la fin justifie les moyens, c'est l'une des caractéristiques des gens de l'innovation. C'est eux qui sont tombés dans cette règle. La fin justifie les moyens. Et à cause de cette règle, ils tombent dans le fait de faire des zigzags et de mentir. Comme il a dit l'imam Ali ibn Harb al-Mousili, rahimahullah, il a dit, tout homme de des passions ment. Et ils sont fous de mentir. Ça ne lui fait rien de mentir. tout un chacun qui suit ses passions ment. Ça ne lui fait rien du tout, le mensonge. وهكذا يقول الشيخ وهكذا كله ليس عندنا وهذا كله ليس عندنا فنحن أهل صدق وأهل حق ولن نعرض في أي مدى الصور التي يقبل فيها الناس وتؤثر في نفوسهم بارك الله فيكم. Il dit, et ainsi nous sommes des gens de la vérité et des gens de la véracité. Et il dit, nous allons pas exposer à tout le style avec lequel les gens vont accepter et qui vont avoir l'impact sur les gens. ويقول حفظ الله ثم ذهبنا الى كسلا في السودان ايضا فما شاء الله كانت الدعوه ممهده والحمد لله وطيبه تكلمنا والحمد لله ونفع الله بما تكلمنا به. Il dit après, nous sommes partis vers Kassala, toujours au Soudan. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que pour cette da'wah, le chemin était asphalté, était préparé pour cette da'wah. Il a dit, louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la da'wah était acceptée. Et toute la louange était à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, nous avons parlé, nos paroles étaient bénéfiques aux gens. Yaqul, thumma dhahabna ila al-Ghadarif, wa hiya madinatun saghiratun hunak, wa durna ala al-masajid allati fiha jami'an. قالوا لم يبق في هذه المدينة إلا مسجد واحد للتيجانية لا نستطيع أن نصل إليه. قلت كيف؟ قالوا هم متعصبون تعصبا شديدا. قلت نذهب إليهم ونستأذنهم، إن أذنوا لنا بالكلام بلغنا، وإن منعونا فعذرنا على الله، فعذرنا عند الله، ولا ينبغي أن نواجههم بالإرغام والقوة بارك الله فيكم. Ils disent, nous sommes partis à une autre ville, une petite ville qui s'appelle Ghatarif au Soudan. Et là-bas, il a dit, nous avons fait le tour de toutes les mosquées. Il ne restait dans la ville qu'une seule mosquée. Et ceux qui m'accompagnaient ont dit, cette mosquée, on la laisse. On ne peut pas y aller. C'est une mosquée qui appartient aux Tijani. On ne peut pas y rentrer. Il a dit, comment? Il a dit, ils sont très sectaires et très sévères dans leur sectarisme. Il a dit, nous allons aller vers eux, nous allons leur demander l'autorisation, s'ils nous permettent de parler, nous allons transmettre. Et s'ils nous interdisent, nous avons une excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, ils ne nous appartiennent pas de leur faire face avec la sévérité et avec la force, etc. Barakallahu fikum. Yaqul al-Sheikh, faji'na wa salla bina al-imam, wa ba'dama faragha ji'tu sallamtu alayhi, wa qultu lahu, atasmahu li an ulqiya kalimatan fil ikhwani ha'ula, qala tafaddal. Il dit, nous sommes allés là-bas. Et l'imam a fait la prière et quand il a terminé, j'étais le voir. Et je lui dis, est-ce que tu me permets de faire une petite exhorte devant ces gens? Et l'imam lui a dit, vas-y. Yaqul fatakallamtu ad'u ila Allah wa ila at-tawhid wa ila sunnah wa ila ashya' ukhra min umur al-'ilm wa antaqidu ba'd al-akhta' al-mawjuda wa ba'd ad-dalalat hatta wasaltu ila hadith 'Aisha radiyallahu 'anha al-muttafaq 'alayh. ثلاثة من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن قال إن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، وأسوق الأدلة على هذا، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ ما أنزل عليه فقد أعظم على الله الفرية. يلدي حفظه الله تعالى يجي بارلي. J'ai fait la da'wa illallah subhanahu wa ta'ala. J'ai parlé du monothéisme, j'ai parlé de la sunna, j'ai parlé d'autres choses parmi les sujets de la science. Et j'ai critiqué certaines erreurs qui sont propagées et certains égarements jusqu'à ce que je suis arrivé au hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha. Il dit qu'il est un hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim où Aisha radiallahu ta'ala anha dit trois choses. Celui qui vous dit l'une de ces trois choses, il a émis un grand mensonge sur le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, celui qui veut dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a vu son sevrin, celui-là, il a émis un grand mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui vous dit que Muhammad alayhi salatu wassalam sait ce qu'il y a dans demain, ce qui va arriver demain, celui-là, il a émis un énorme mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a commencé à citer les preuves sur tout ça. Et il a dit, celui qui prétend que Mohammed n'a pas transmis ce qui lui a été révélé, celui-là, il a émis un énorme mensonge sur Mohammed alayhi salatu wasalam. فقام الإمام وكان مستوفزا مستفزا فقال والله إن محمد رأى ربه بعيني رأسه قلت له جزاك الله خيرا أما عائشة التي هي أعلم الناس به رضي الله عنها فقد قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه لا أخبرها ولكن ما أخبرها لوم Hein? Il s'est levé pour provoquer. Hein? Il a dit, par Allah, Muhammad a vu son souverain, a vu Allah avec les yeux de sa tête. Et Cheikh Rabi lui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Aïcha, qui connaît au mieux le prophète alayhi salatu salam, a dit que celui qui prétend que Muhammad a vu Allah, celui-là il a émis un énorme mensonge sur Allah azza wa jal. Et il dit, si le Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu, il l'aurait annoncé à Aïcha radiallahu ta'ala, mais il ne lui a pas annoncé. فَبَدَأَ بِاللَّجَازَةِ وَالسُّؤَالِ قُلْتُ لَهُ يَا أَخِي انْتَظِرْ حَتَّى أُنْهِي كَلِمَتِي. Et il a commencé à bégayer. Cet imam a commencé à bégayer et a posé des questions. Et Cheikh Rabi lui a dit, patiente jusqu'à ce que je termine ma maw'ida. وَبَعْدَ ذَلِكَ اسْأَلْ عَمَّا شِئْتْ فَالَّذِي أَعْرِفُهُ أُجِيبُكَ بِهِ والذي لا اعلمه اقول لك الله اعلم. Et Cheikh de lui dire, attends, quand j'aurai terminé, pose les questions que tu veux. Les choses que je sais, je vais te répondre. Les choses que je ne sais pas, je vais te dire, sauf Allah subhanahu wa ta'ala le sait. قول الشيخ وتركته ومضيت في الكلام ولا ادري هل بقي او ذهب. Il dit, je l'ai laissé, j'ai continué à parler, à faire le cours, et je ne sais pas s'il est resté ou là, s'il est parti. لا ادري ما التفت اليه. ثم سمعت رجلا يقول والله الكلام اللي يقول الزول ده حق. Et après Cheikh il a dit, je ne sais pas s'il est resté, je ne suis plus préoccupé de lui, mais je continue mon corps. Et tout d'un coup j'ai entendu quelqu'un dans l'assemblée, dans la mosquée, dit, par Allah, ce que dit cet homme c'est la vérité. ثم سمعت مرة أخرى العبارة نفسها من آخر. Il a dit, j'ai entendu la même expression d'une autre personne. وزاد فالرجل يقول قال الله قال رسول الله بارك الله فيكم. Il dit, l'homme il dit, Allah a dit, الرسول صلى الله عليه وسلم a dit, بارك الله فيكم حتى أدنى لصلاة العشاء وانتهت حتى أدنى لصلاة العشاء وانتهت الكلمة وأقيمت الصلاة وإذا بهم يدفعونني لأصلي بهم. فقلت أبدا لا أصلي بكم. يصلي الإمام. قالوا والله تصلي والله تصلي. قلت طيب وصليت بهم. وبعدما فرغنا انتظرت ثم خرجت أنا والشباب أنصار السنة معي وقلت لهم أين ذهب الإمام. قالوا طردوه. قلت من طرده. قال والله جماعته طردوه. هذا الذي حصل يا إخوة. إيه il dit حفظه الله تعالى il a continué à parler jusqu'à la dinde de l'Isha. Et il a terminé. Et au moment où ils ont fait l'Iqama pour l'Isha, ils l'ont poussé. Ils ont poussé Cheikh Rabi pour être leur imam. Il a dit, jamais je ne ferai imam. Et par Allah, tu vas prier. Et il a pris le devant, il a fait leur imam. Et quand ils ont terminé la prière, il est resté un petit peu. À la fin, il est sorti. Il a demandé aux gens de l'association Ansar Sunna, où est l'imam. Ils ont dit, ils l'ont chassé. Hein? La porte. Ils ont dit, prends la porte. Hein? Ils lui ont donné congé. Il a dit, qui lui a donné congé? Il a dit, la jama'a de la mosquée lui a dit, prends la porte. Et il a dit, par Allah, c'est ce qui est arrivé. C'est l'heure. On arrête là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu alaykum wa jazakumullahu khair.